Explosion! Eh, souka boy, vous connaissez ton petit salon coq, et puis dancehall, souka NB, et puis compas. Mandez ça, écoutez ça! Oh yeah yeah! Hey yo! N-I-C-H-O-L-S, M-N-I, Ali Angel. That's right, come on. Si t'aimes pas, t'écoutes pas! Hey yo! Si tu n'écoutes pas, c'est que tu as tort! Les gars, c'est mûr de Walkman! Mais qu'on est samedi soir, pourquoi tu broies du noir? Viens plutôt faire la foire. On a le son qu'il faut, du haut niveau, vas-y kiffe le flow. La rêve est si sun sex, pas d'explication tech, pas de dessin c'est girl flex. On a le style vénère, si t'as du flair, suis le savoir en air. Don't me. Ciao.